dans les ruelles, dans les avenues, on mange des trucs dont on ne veut plus. Des aliments qui sont salés, trop salés. Mère a donné la nausée. On voudrait des goûts tout doux, tout doux, des saveurs subtiles juste pour nous. Et plus d'aliments si salés, trop salés ou sucrés, trop sucrés. La mère a donné la nausée. Acide, amer, sucré, salé, voilà le moyen de vous arranger. Prenez modèle sur les légumes et les fruits qui sont si parfumés. Et oubliez donc la nausée.